Il y avait deux plats qui étaient typiques pour l'hiver ici. Oui. Mais c'était surtout, vous voyez, cette partie-là de la commune. Oui, vers Trabuèche, je préfère. La Jarjade, vous voyez. Jarjade, oui. Alors on faisait ce qu'on appelait, il y avait donc les ravioles, que vous connaissez. Mais alors ici, on les faisait avec de la purée de pommes de terre. Ah, les ravioles avec la purée de pommes de terre. La purée de pommes de terre, vous voyez. Et, juste, et alors il y avait un autre plat qui s'appelait, qui était fait avec des pommes de terre, c'était les moines. Ah, les moines. On vous a parlé de ça? J'en ai entendu parler dans le Diwa, je crois, mais qu'est-ce que c'était non, les moines? Ça se fait pas dans le Diwa. Ah bon, ça se fait pas dans le Diwa. Ah bon, ah bon. Alors, vous prenez une partie de vos pommes de terre, c'est tout en pommes de terre, ça. Ouais. Alors, vous les épluchez, donc vous les faites en purée, vous les assaisonnez avec un oignon rouge. Il y en a une partie. Et puis une autre partie, où il y a à peu près le tiers, vous râpez les pommes de terre sur une râpe, une ancienne râpe, vous savez, ces râpes. Et alors vous faites, vous les mettez dans une passoire, justement vous avez, vous les mettez dans une passoire et vous laissez déposer la fécule. Donc vous enlevez l'eau et vous gardez la fécule qui est au fond de l'assiette. Vous avez la passoire, l'assiette en dessous. Vous remélangez tout ça et au bon besoin vous y ajoutez un peu de maïzena maintenant parce que ça fait mieux. Et vous en refaites des quenelles. Ah, oui. Alors vous la poivrez et salez et vous les pochez dans l'eau bouillante. Ah, c'est ça les moines. Et alors là, moi je considère que quelqu'un est de plus lorsqu'il est capable de faire tout son repas, soit avec des moines, soit avec des ravioles. Ah ouais, pourquoi pas. Voilà. Non, mais voyez, parce que... C'est des plats typiques, c'est des plats typiques. C'est un plat typique qui est là. Mais le repas avant, lorsqu'il fait des mauvais temps, lorsqu'il y a le vent du nord se levait, la neige volait, il faisait froid, alors les cuisinières avec le temps disaient, bon, on va faire des moines. C'est ça. Hein. Bon, on était gosses, vous voyez, on était là. Donc il faisait mauvais temps, mais c'était, si vous voulez, lié avec cette sensation de bien-être, parce qu'il y avait le feu, vous voyez. Alors au fur et à mesure que ça s'avançait la préparation, parce que c'est assez lent, vous voyez, il faut presque une heure, quand on était gosses, on voyait la préparation qui avançait. Et puis, dès qu'il y en avait, si vous voulez, une dizaine qui étaient pochées dans la marmite, soit des moines, soit des ravioles, on n'attendait pas. Bon, on les mangeait, vous voyez. Alors finalement, vous voyez, c'est un truc qui se mange bien et on arrivait à manger des quantités astronomiques parce que... Et même maintenant, vous voyez, et alors, bon, facilement, vous voyez, je vais manger que ça, vous voyez. Ah ben, c'est une bonne chose, hein. Ah ben, il faudrait qu'on en fasse.